Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin qui va prendre un tour un peu historique et puis des contes et légendes d'Alsace. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de la première place aux femmes de Rouffach. Hein, c'est une vieille histoire d'Alsace, c'est pas une légende, il paraît que c'est de la réalité. Et puis, comme cette année, c'était un peu consacré aux femmes, en particulier aux violences faites aux femmes, c'est intéressant de voir aussi, dans l'histoire alsacienne, comment les femmes se sont comportées avec ce conte et légende d'Alsace qui est édité chez Fernand Latan et qui a pour auteur Émile Inzelin. Voilà, alors, que s'est-il passé à Rouffach ? La ville de Rouffach était dominée par le château d'Isenburg, ancienne résidence des rois mérovingiens que Dagobert II, ça nous remonte à loin, n'est-ce pas, avait donné à l'archevêché de Strasbourg. On était à peu près dans la même époque que le Saint-Mont. Devenue elle-même propriété des évêques strasbourgeois, la ville tint pour eux contre l'Empire allemand dans les querelles sans nombre qui ensanglantaient l'Alsace. Vous voyez que l'Alsace a souvent été le théâtre de combats. L'empereur d'Allemagne, Henri IV, s'en était rendu maître par surprise. Les gendarmes d'Outre-Rhin la traitèrent en pays vaincu. Il advint que le matin de Pâques, 1105, l'empereur Henri IV étant au château, le gouverneur fit enlever une jeune fille de la ville. Au cri que poussait la jeune fille, la mère sortit de sa maison, vit des soldats emporter leur proie, s'élança à son tour à leur poursuite, mais entendit la lourde porte du château se refermer sur eux. Frémissante d'horreur, elle courut vers son mari qui travaillait à la vigne. C'était un bourgeois fort estimé et qui, bien qu'assez riche, ne savait pas demeurer inactif. Elle lui révéla l'horrible vérité. Pâle comme un mort, debout, serrant les poings, le père fixait sur le château, ses yeux pleins de larmes. La mère ne pleurait pas. « Que faire ? » murmura-t-il. « La reprendre tout de suite. »« Ils sont les plus forts. »« Oui, s'ils ont devant eux des lâches. » La mère redescendue vers la ville, le père la suivait sans la questionner. Elle alla de porte en porte, appelant et suppliant les hommes. Aux vignerons, aux marchands, aux artisans, elle disait en substance. « C'est notre vie, c'est notre honneur à tous qui est en cause. Vous laisserez-vous traiter comme des bêtes que l'on ravit et que l'on tue ? N'avez-vous pas une conscience ? N'aimez-vous pas vos enfants comme j'aime le mien ? Ne sentez-vous pas que l'outrage dont pleure mon mari vous marquerait d'une honte ineffaçable s'il n'était réparé sur l'heure ? Votre cœur s'émeut. Prenez un pic ou une hache et suivez-moi. Où donc ? Au château. Mais l'empereur y est. Tant mieux puisque le vrai coupable c'est lui. Les hommes regardaient les hautes tours, les murs épais de quatre coudées, tout ce superbe appareil dont ils connaissaient la force et la cruauté. Ils songeaient aux machines de guerre embusquées derrière les créneaux et aux oubliettes où tant d'angoisses avaient été étouffées. Leurs femmes, pressées autour d'eux et haletantes, les observaient. Au premier signe d'incertitude et d'accablement, elles éclatèrent en reproches. « Ce serait inutile, ce serait insensé » murmurait-il. « Nous verrons bien !» s'écrièrent les femmes. La mère, outragée, avait saisi une hache. Debout, près d'elle, une vieille, dont la tête était entourée d'un mouchoir rouge, jeta bas le fagot de sarment qu'elle portait, et levant sa serpe, dit simplement « Allons !» D'un seul élan, toutes se mirent en marche. Près de la vieille, au mouchoir rouge, à la face maigre et ridée, aux yeux noirs comme le charbon, se tenait une jeune fille aux yeux bleus, comme le ciel pur, à la magnifique chevelure blonde. C'était l'amie de celle que le gouverneur avait fait enlever pour l'empereur Henri V. Une seule âme animait cette troupe héroïque. Les mains qui n'avaient pas d'armes attrapaient un bâton ferré ou un poinçon. Les chantinelles du château sonnèrent l'alarme. Un officier s'avança. « Que voulez-vous » demanda-t-il aux femmes. « Qu'on nous rende celle qu'on nous a ravie. » Au hasard et pour gagner du temps, l'officier répondit. « Si elle est ici, de son plein gré. » Une telle insulte fut un signal. Harcelés, bousculés, les soldats frappaient aveuglément. La jeune fille aux yeux bleus dressa son front ensanglanté à côté du mouchoir rouge de la vieille à la serpe. L'assaut fut donné avec une fougue irrésistible. Les blessures des femmes ne servaient qu'à exaspérer la fureur qui centuplait leur force. Elles pénétraient dans des salles, gravissaient des escaliers, trouvaient d'instinct l'entrée des passages secrets, refoulaient tout, s'emparaient de tout. Soudain, à leur clameur de rage, sous les voûtes succéda un hurlement de victoire. Au fond de sa chambre, sous les lourdes tentures de son lit, l'empereur l'entendit. Entrebâillant la porte, il vit ce qui le menaçait. C'était quelque chose de si troublant et de si formidable qu'il recula. Derrière sa porte, barricadée en hâte, il s'habilla fébrilement, les yeux remplis de cette triple vision. La vieille femme au mouchoir rouge, la jeune fille au front saignant, la mère levant la hache. Au coup qui entamait les panneaux de chêne, il perdit la tête. Abandonnant spectre et couronne, il s'enfuit par une porte dérobée et gagna le large. Déjà la mère serrait sa fille sur son cœur. Elle éclata en sanglots. Enfin, elle pouvait pleurer. Quelques minutes après, toutes les femmes se trouvaient réunies devant l'église, censées être plus concertées sur l'action de grâce que sur les moyens d'attaque. Un plan, c'est du temps perdu. Un mot d'ordre, c'est bon pour les hommes. Ainsi se passa ceci. Les femmes, en entrant dans l'église, au lieu de s'installer sur les bancs de gauche, suivant l'usage, s'installèrent spontanément sur les bancs de droite, c'est-à-dire dans la place réservée aux hommes. Quelques hommes s'y trouvaient, mais sans discussion, sans hésitation, ils se retirèrent vers la gauche. Ils s'inclinaient devant un droit conquis de si haute lutte. Alors, en silence, les femmes s'approchèrent de l'autel. La vieille au mouchoir rouge portait au milieu de sa serpe le spectre. La jeune fille au front saignant portait la couronne surmontée du globe et de la croix. La mère, par-dessus les vêtements déchirés de sa fille, avait attaché la pourpre du manteau impérial. À qui offrir ces dépouilles opimes ? À la Vierge, la seule, pouvant les accueillir avec faveur. Depuis cette date, 1105, les femmes de Rouffach ont gardé la préséance sur les hommes dans toutes les cérémonies. Aujourd'hui encore, regardez, elles occupent l'église, le côté droit. Alors, y a quand même un épilogue. L'empereur n'a-t-il rien tenté pour se venger à son tour ? Il a tout tenté, au contraire. Tout, et même, si l'on peut dire quelque chose de plus. Il revient sous les murs de Rouffach avec une armée de 30 000 hommes qu'il se proposait de conduire en Italie. La population de Rouffach se défendit avec tant de vaillance qu'il eut recours à la ruse. Le 7 mai 1106, il envoya un héros d'armes demander l'entrée de la ville, mais uniquement pour le passage de ses troupes. « Refusons, disaient les femmes, qu'il passe où il pourra, mais non chez nous. » Les hommes montrèrent une confiance imprudente. Dès que Rouffach ont baissé le pont-levis, l'empereur, se considérant plus que sa couronne insultée, traite à sa propre parole, fit mettre la ville à feu et à sang. Les femmes ne répétèrent pas trop aux hommes, nous l'avions bien dit. Pour elles et par eux, la ville fut promptement rebâtie, entourée de hautes murailles. Que de fois encore, Rouffach eut à réparer des ruines. Malgré ses murailles et son courage, la ville fut pillée à la fin du XIIIe siècle par les Colmariens, saccagée au milieu du XVe par les Armagnacs, occupée au XVIIe une première fois par le Landgrave Otton, une seconde par le duc de Rohan, une troisième par Turenne, après l'éclatante victoire de Turcaille. Toujours femmes et hommes se consacraient avec la même constance virile à l'œuvre du relèvement. Voilà pour cette histoire que quand même j'ai voulu vous lire, après tout on est Noël, hein, et puis cette histoire se terminait bien au moins puisque la jeune fille en question avait réintégré le domicile familial alors qu'elle était prise en otage en quelque sorte, enfin prise de guerre j'allais dire, par le roi Henri V. Voilà, ben, une belle histoire. Je vous laisse méditer. Vous êtes passé de bonnes fêtes de Noël. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.